Ézéchiel chapitre 28. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, dis au conducteur de Tyr, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé, et que tu as dit, je suis le Dieu fort, et je suis assis dans le siège de Dieu, au cœur de la mer, quoique tu sois un homme, et non le Dieu fort, et parce que tu as élevé ton cœur comme si tu étais un Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de caché ne t'a été rendu obscur. Tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse et par ta prudence, et tu as assemblé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tu as multiplié ta puissance par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce, puis ton cœur s'est élevé à cause de ta puissance. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, dit ainsi, parce que tu as élevé ton cœur, comme si tu étais un Dieu. À cause de cela, voici, je m'en vais faire venir contre toi des étrangers, les plus terribles d'entre les nations, qui tireront leurs épées sur la beauté de ta sagesse, et souilleront ton lustre. Ils te feront descendre en la fosse, et tu mourras au cœur de la mer, de la mort des blessés à mort. Iras-tu disant devant celui qui te tuera, je suis Dieu, vu que tu te trouveras homme, et non le Dieu fort, dans la main de celui qui te blessera mortellement. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr, et lui dit, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, toi, à qui rien ne manque, plein de sagesse, et parfaite en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaze, de jaspe, de chrysolite, d'onyx, de béryl, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or. Ce que savaient faire tes tambours et tes flûtes, a été chez toi, ils ont été tout prêts au jour que tu fus créé. Tu as été un chérubin, loin pour servir de protection, je t'avais établi, et tu as été dans la sainte montagne de Dieu. Tu as marché entre les pierres éclatantes. Tu as été parfaite en tes voies dès le jour que tu fus créé, jusqu'à ce que la perversité a été trouvée en toi. Selon la grandeur de ton trafic, on a rempli le milieu de toi de violence, et tu as péché, c'est pourquoi je te jetterai comme une chose souillée hors de la montagne de Dieu, et je te détruirai d'entre les pierres éclatantes, ô chérubin, qui sert de protection. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as perdu ta sagesse à cause de ton éclat, je t'ai jeté par terre, je t'ai mis en spectacle au roi, afin qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, en usant mal de ton trafic, et j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui t'a consumé, et je t'ai réduit en cendres sur la terre, en la présence de tous ceux qui te voient. Tous ceux qui te connaissent entre les peuples, ont été désolés à cause de toi. Tu es cause qu'on est tout étonné de ce que tu ne seras plus à jamais. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, tourne ta face vers Sidon, et prophétise contre elle. Et dis, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux à toi, Sidon, et je serai glorifié au milieu de toi, et on saura que je suis l'Éternel, quand j'aurai exercé des jugements contre elle, et que j'y aurai été sanctifié. J'enverrai donc dans elle la mortalité, et le sang dans ses places, et les blessés à mort tomberont au milieu d'elle, par l'épée qui viendra de toutes parts sur elle, et ils sauront que je suis l'Éternel. Et elle ne sera plus une ronce piquante à la maison d'Israël, ni une épine causant plus de douleur, qu'aucun de ceux qui sont autour d'eux, et qui les pillent, et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel. Quand j'aurai rassemblé la maison d'Israël d'entre les peuples parmi lesquels ils auront été dispersés, je serai sanctifié en eux, les nations le voyant, et ils habiteront sur leur terre que j'ai donnée à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sûreté, ils bâtiront des maisons, ils planteront des vignes, ils y habiteront, dis-je, en sûreté, lorsque j'aurai exercé des jugements contre ceux qui les auront pillés de toutes parts, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu.